franceinter.fr. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire, l'émission de France Inter qui vous invite à un voyage dans le passé, un voyage à la rencontre d'un personnage romanesque qui a marqué l'histoire, dont le destin aussi a été façonné par l'histoire. Ce soir, notre personnage est de taille, au sens propre et au sens figuré, puisqu'il s'agit ni plus ni moins de De Gaulle. De Gaulle, prisonnier des Allemands. À la réalisation Antoine Dabrowski, assisté de Christiane Alain Favre, programmation musicale Djoubaka, à la technique Henri Bérec. S'il y a un homme pour lequel les mots destin et histoire avaient un sens très fort, c'est bien lui, le général de Gaulle. Cet homme habité par la passion de la France, une passion quasi mystique, sans laquelle, c'est sûr, dans le désastre de juin 40, il n'aurait pas pu accomplir l'exploit de croire encore en la victoire. De Gaulle, l'homme du 18 juin, et bien sûr de Gaulle, fondateur en 1958 de la Ve République. Le De Gaulle dont nous allons parler ce soir n'est pas celui-là, non, pas le général, pas le héros, mais le jeune homme, le lieutenant puis capitaine De Gaulle, engagé dans la Première Guerre mondiale. La malchance voudra qu'en 1916, il soit fait prisonnier par les Allemands. Une captivité que ce fier officier subira comme un déshonneur. Subira, enfin, pas tout à fait, car Charles va en fait passer son temps à tenter de s'évader. C'est donc un De Gaulle méconnu, attachant et même drôle parfois, que vous allez découvrir ce soir. Affublé d'une fausse moustache, descendant des cordes à nœuds fabriquées dans des draps ou plié en quatre dans un panier à linge sale. Avec son 1m92, ça n'a pas dû être simple. Une histoire en apparence anecdotique qui aura en fait des conséquences décisives sur le futur rebelle. Autant en emporte l'histoire avec Stéphanie Duncan. Jean-Yves Naour, Claude Plumaille, bonsoir. Bonsoir. Jean-Yves Naour, vous êtes historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale et de l'histoire du XXe siècle. Claude Plumaille, vous êtes dessinateur de BD. Et tous les deux, vous venez de publier chez Bambou, dans la collection Grand Angle. Oui, c'est ça, un album Charles de Gaulle, 1916-1921, Le Prisonnier. Jean-Yves Naour, vous avez écrit le scénario de cette BD, qu'on lit vraiment avec beaucoup de plaisir et on apprend beaucoup de choses. On découvre ce passage assez méconnu de la vie de De Gaulle, qui démarre en 1914, cette BD, se termine en 1921 avec le mariage de De Gaulle et avec Yvonne Vandroux, la femme de sa vie. La couverture est un portrait de De Gaulle, jeune, en uniforme, dans une cellule de prison. Derrière lui, il y a une lucarne avec des barreaux. De Gaulle, les bras croisés, il tient la main à une vieille fourchette. Il est ressemblant, hein, bravo Claude Plumaille. Merci. Mais ce qui est frappant, ouais, je trouve, c'est son regard. Il a un regard très triste. Il ne supporte pas sa captivité, c'est ça, Jean-Yves ? Oui, c'est vrai que cette période de sa vie lui est très douloureuse. D'ailleurs, il en a très peu parlé par la suite. Il en a parlé à Geneviève Antonioz de Gaulle, justement, sa nièce, quand elle est revenue des camps de concentration. Il lui a avoué avoir vécu une expérience assez similaire, même si, en fait, la Première Guerre mondiale ne ressemble pas à la Seconde. Les prisonniers, et notamment les officiers, avaient beaucoup plus de liberté, évidemment, de confort, que pendant la Seconde Guerre mondiale. On s'en rend compte en voyant les images. Mais pour lui, ça a été une grande honte, et c'est sans doute la période la plus difficile de sa vie. Alors, toute sa vie, De Gaulle, quand il se souvenait de sa captivité, il pensait avec amertume. Et pourtant, vous, Jean-Yves Naour, vous dites que cette captivité et toutes ces tentatives d'évasion ont été décisives pour la construction du futur général De Gaulle. Pourquoi ? Je crois que ça a forgé son caractère. Son caractère et son côté rebelle. Il a eu le temps de travailler, de lire et de penser. Et comme il le disait, pour savoir agir, il faut savoir penser. Et être capable de penser contre les autres. Et ça, c'est très dur dans l'armée. face à l'état-major, face à la presque à la totalité des chefs, dire non, je ne suis pas d'accord et défendre ses idées, c'est pas évident. Et c'est ce qu'il sera ensuite, une sorte de mouton noir au sein des officiers français. Pour bien comprendre cette histoire, vous pouvez nous rappeler, Jean-Yves Le Naour, qui était Charles de Gaulle en 1914? En 1914, il a 24 ans, il est issu d'un milieu conservateur, même monarchiste. Famille catholique. Une famille catholique, Dieu et patrie, élevé dans le culte de la patrie, de la grandeur nationale. Son père a fait la guerre de 70, il lui raconte ses souvenirs. Et donc, c'est aussi un peu cette génération de la revanche. Il est entré à Saint-Cyr, et puis il a fait ses armes, d'ailleurs sous l'autorité du colonel Pétain à Arras. Donc c'est un officier un petit peu comme les autres, en 1914, qui pense que la guerre sera courte, qu'elle sera violente, qu'on aura la victoire à la pointe des baïonnettes, voilà, que c'est le courage qui fait la victoire. Et puis il s'aperçoit très vite, en août 14, il est blessé à Dinan, le 15 août 14, il s'aperçoit très vite que le courage, finalement, ça ne vaut pas face à, je ne dis pas encore la force mécanique, mais face aux obus, face à la mitraille. Et que la guerre, c'est une question de force mécanique, de canon, aussi, etc. Ouais. Pas qu'une histoire de courage. Et c'est pas qu'une question de courage. Là, l'armée française est partie en 14 avec les idées napoléoniennes. Elle a une grande guerre de retard. Et puis, une petite chose aussi de son enfance, l'enfance de Charles, c'est quand même, il se voyait déjà comme un général, commandant les armées françaises. Dans ses jeux d'enfant, ses frères et sœurs le disaient. Oui. Moi, je vais devenir le commandant de l'armée française. Oui, il y a un texte de lui, il avait quelque chose comme 15 ans, où il invente une histoire et il se voit général de Gaulle, appelé par le destin pour sauver la France. C'est rigolo. C'est quand même assez rigolo. Et en même temps, ça en dit quand même pas mal du personnage, un petit peu mégalomane, et on va retrouver sans doute dans cette fiction ce caractère un petit peu supérieur. De Gaulle, est-ce qu'on peut dire que c'est un personnage romanesque? C'est un mot qui vous dit quelque chose, Claude Plumaille? Romanesque, là, ici, effectivement, on a un petit peu cette surprise-là, finalement, parce que on connaît surtout Charles de Gaulle, l'homme d'État, enfin, le président de la République, tout ça. Et là, on se retrouve, avec un personnage qui a un côté un peu rocambolesque, quand même, parce que cette succession d'évasions, c'est drôle, Escaping Club, c'est assez... Vous connaissiez vous-même Claude Dumas, cette histoire? Vous l'avez découverte? Je l'ai complètement découverte en lisant le scénario de Jean-Yves, et c'est ce qui m'a interpellé. Là, je me suis dit, mais on pourrait presque suivre cette aventure-là à la télévision, quoi. C'est comme Jean-Yves une série. Jean-Yves Le Naour, personnage romanesque de Gaulle? Oh oui, sans aucun doute, puisque effectivement, quand on voit toutes ces évasions, on se dit, la première réaction, c'est de dire, c'est pas possible, ça a été inventé. On a du mal à y croire. Et c'est pour ça qu'on a ajouté un petit cahier historique pour rappeler un petit peu l'histoire et pour dire, non, on n'a rien inventé. Et des fois, la réalité de l'histoire. C'est une BD, mais il y a du sérieux aussi. Oui, voilà. Il y a du sérieux, bien sûr. Est-ce qu'il est facile à dessiner, Claude Plumaille? En fait, c'est que, bon, d'une part, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y a la vraisemblance, enfin, la ressemblance. Donc là, de ce point de vue-là, je m'interdis de recopier des photos. C'est-à-dire que j'ai des photos qui me servent de référence, de documents, mais je dessine le personnage. Et puis ensuite, l'autre problème, c'est que c'est pour la première fois un personnage qui va vieillir au cours des albums. Donc là, quand on démarre, il a 26 ans, il est capitaine, et on va arriver déjà au Dôme 2, il a 50 ans. Donc voilà, c'est un personnage dont les traits se modifient au fur et à mesure, et c'est un petit peu ça ma charge. Ouais, puis vous avez des prédécesseurs quand même, des dessinateurs de presse qui ont dessiné, ils se sont régalés à le dessiner. Oui, bien sûr, il a été souvent caricaturé, il a été beaucoup dessiné, on a beaucoup de références, et puis donc j'essaie de tenir la dragée aussi haute. Ah bah, vous le faites très bien. Donc un personnage historique pas toujours facile à dessiner, mais pas toujours facile non plus à jouer. Dans le cinéma, il a toujours été un casse-tête pour les castings, pour distribuer ce rôle. Alors vous allez voir, Gabriel Dufay, le comédien, s'en sort très bien. Tout de suite, on l'écoute dans le rôle du jeune capitaine de Gaulle, raconter les conditions de sa capture le 2 mars 1916 à Verdun. De Gaulle, prisonnier des Allemands, un texte écrit par vous, Jean-Yves Le Naour, spécialement pour notre émission, pour Autant n'importe l'histoire. La réalisation est signée Cédric Ossir. Capitaine Charles de Gaulle, expliquez-nous comment vous avez été fait prisonnier. C'était à Verdun, en 1916, c'est cela? Que signifie cet interrogatoire? Où voulez-vous en venir? Je n'apprécie guère ce genre de questions. Il me semble que je suis victime et non coupable dans cette histoire. Voyons, capitaine, vous savez bien que les instructions sont d'interroger tous les prisonniers de retour d'Allemagne. Vous devez savoir que certains prisonniers sur le champ de bataille se sont en réalité rendus à l'ennemi sans combattre, que ce sont des déserteurs et qu'il est de notre devoir... Nous y voilà. Vous croyez donc que nous avons passé 2 ans de vacances aux frais du roi de Prusse? J'aurais bien aimé vous y voir. Vous, au moins, vous ne risquez pas votre peau. J'ai été fait prisonnier. Cela prouve que j'étais en première ligne, moi. Ce qui n'a jamais été votre cas, vous autres. Les ronds de cuir de l'état-major. Et maintenant, laissez-moi en paix. Il me semble que tout au long de ma vie, qu'elle soit courte ou prolongée, le regret de la captivité ne me quittera pas. Prisonnier des Allemands durant la Première Guerre mondiale, le capitaine de Gaulle se sent inutile à l'heure de la grande épreuve et n'est pas loin de se voir en vaincu. Et pourtant, il ne s'est jamais soumis. Malgré les 60 jours d'arrêt subis à chacune de ses évasions, il ne s'est jamais résigné. En 14-18, l'homme qui a dit non est déjà en germe. Cet acharnement à recouvrer sa liberté n'est pas anecdotique. Sa captivité est un moment essentiel qui, au fond, a changé le destin de l'homme et peut-être aussi, plus tard, celui de la France. Car l'homme qui est revenu d'Allemagne, amer, critique, iconoclaste, qui pense seul et ose soutenir sans vergogne ses idées devant ses supérieurs, n'était pas aussi singulier en 1914. C'est dans la captivité que le moule s'est cassé. Vous croyez que je n'y ai pas cru? Les assauts baïonnettes au canon, les officiers devant leurs hommes donnant l'exemple, gants blancs et sabres au clair, le mépris des balles et de la mort. Vous croyez que je n'y ai pas cru? L'offensive napoléonienne, la ruée en masse, le courage pour toute stratégie, le cran comme seule tactique, la croyance absurde en la supériorité des forces morales sur les forces matérielles. Vous croyez que je n'y ai pas cru? J'y étais, moi, dans ces premières heures les plus meurtrières, celles où nous avons découvert le feu et la guerre industrielle, la puissance destructrice de l'artillerie, la fin de la guerre héroïque. D'où venait la grêle de balles qui s'abattait sur nous le 15 août 1914 sur le pont de Dinan? Je n'ai pas vu le premier casque à pointe. Debout, je ne pensais qu'à une chose. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je ne dois pas montrer que j'ai peur. Mes hommes ne doivent pas voir que j'ai peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Blessé à la jambe, Charles de Gaulle ne revient au front qu'en 1915. Le souvenir de cette découverte du feu n'est cependant pas l'événement le plus traumatique pour le lieutenant de Gaulle, devenu capitaine en 1915. Ce qui l'a marqué au fer rouge, c'est ce 2 mars 1916. La veille, il est monté en ligne en pleine bataille de Verdun, dans le secteur du village de Douaumont, dont il ne reste déjà plus que des ruines. Gants beurre frais, badine à la main, impeccable, rasé, plein de morgues hautaines, ignorant l'enfer vécu par les défenseurs de Verdun, il relève des hommes épuisés, boueux, et se permet de faire la leçon à leur chef. Bien, capitaine, je ne vous félicite pas. Comment cela ? J'ai jamais vu de lignes aussi mal organisées. D'ailleurs, on ne peut pas appeler ça des lignes. Comment faites-vous ? Pas de boyaux, pas d'abri, pas même de tranchées. C'est stupéfiant. Et comment pourrais-je continuer à organiser le secteur sous le feu de l'ennemi ? Nous nous battons depuis 3 jours et 3 nuits. Nous avons poussé 4 attaques. Faites-en autant avant de nous critiquer. Vous vous emportez, mon cher. J'en référerai à mes supérieurs. Adressez-vous à Joffre, à Pétain ou au pape. Mais allez au diable ! Le lendemain, le 2 mars 1916, les Allemands lancent une attaque de grand style sur Verdun. Et le capitaine de Gaulle trouve la mort sur le champ de bataille. Le colonel Boudor, qui commande le régiment, fait le récit de cette mort héroïque. La 10e compagnie, sous les ordres du capitaine de Gaulle, était encerclée. C'est alors qu'on vit une chose magnifique. Au commandement de son chef, elle fonça droit devant elle, baïonnette au canon, sur les masses ennemies qui gagnaient le village de Douaumont et se livra à un terrible corps à corps où les coups de baïonnette et de crosse firent place nette jusqu'au moment où les braves succombèrent sous le nombre. Le capitaine de Gaulle, ce magnifique officier d'une exceptionnelle valeur, d'un sang-froid imperturbable et d'un courage intrépide, est tombé glorieusement à la tête de ses troupes. Un vrai roman. Je ne croirai plus jamais aux livres d'histoire. C'est avec des pièces comme celle-là que les historiens puisent leur matière dans les archives. Et ce sont des tissus d'ânerie écrits par des gens qui n'ont rien vu et qui ne savent pas ce qui s'est passé. Je vais vous raconter, moi, ma capture. Et ce n'est pas si épique. Au commencement était le fer, l'acier, le feu, le plus effroyable bombardement qu'il m'ait été donné de subir. La terre tremblait en permanence. Puis l'assaut des Allemands qui nous prit de front et de flanc. La position était intenable. Voyant que nous allions être détruits sans aucun profit, je pris le parti d'ordonner à mes hommes de reculer jusqu'à la seconde position française, à quelques centaines de mètres. Mais nous étions serrés de près par les Boches. Pour moi, il était déjà trop tard. Avec un soldat, nous nous sommes jetés dans un boyau, nous avons rampé sur une dizaine de mètres, mais les Boches nous ont repérés. L'un d'eux tua le soldat français à mes côtés, un autre transperça ma cuisse d'un coup de baïonnette. Je m'évanouis. Quand je me réveillais, j'étais dans une infirmerie allemande. Voilà toute l'histoire. Elle est dramatique et banale à la fois, comme toutes les histoires de captivité. Point n'est besoin d'en rajouter. De mars à septembre 1916, le capitaine de Gaulle connaît différents camps de prisonniers. Mayence, Osnabrück, Tchouchen, avant d'être envoyé à Ingolstadt, en Bavière, dans le fort numéro 9, dans lequel on enferme les fortes têtes. Fortes têtes, fortes têtes. Tout cela parce que j'ai décelé quelques pierres au camp de Tchouchen et tenté de creuser un trou. Ces Allemands sont vraiment paranoïaques. Enfin, je suis conduit au fort d'Ingolstadt, accueilli par un vieux général que l'armée allemande a sorti de sa retraite pour lui confier le triste rôle de garde-chiourme. Le général Josef Peters n'est pas très heureux de finir ainsi sa carrière, surtout qu'il a fort à faire avec les prisonniers du genre récalcitrant qu'on lui envoie. Un jour, ces sacrés numéros décèlent les portes de leurs cellules pour les brûler. Eh bien quoi ? Nous étions en plein hiver et il n'y avait pas assez de charbon. Une autre fois, les Français jettent de lourdes pierres dans les douves pour faire croire à une évasion et faire tourner les gardiens en bourrique. Ce sont des jeux puérils, je le reconnais. Mais ils sont fort amusants. Un jour, deux prisonniers ont dérobé des uniformes allemands. Ils ont descendu le drapeau bavarois qui flottait au-dessus du fort et l'ont déchiré. Ce fut un grand moment, un coup d'éclat. Ah oui, c'est vrai que nous les avons fait devenir chèvres, ces Allemands. Le prédécesseur du général Josef Peters en avait perdu la santé et il avait fallu l'interner. C'est pourquoi le général Peters accueille son nouveau pensionnaire avec sévérité. « Je connais bien les individus de votre acabit, lui dit-il. Croyez-moi, je vous briserai si vous ne respectez pas le règlement. » Et il ajoute, menaçant, « Vous autres, Français, vous vous croyez toujours plus malins que les autres, mais ici, vous ne pourrez rien échafauder. Mettez-vous bien dans le crâne que l'on ne s'évade pas de la forteresse d'Ingolstadt. » Et comme il ponctue son discours d'accueil par un martial « Vous m'avez compris ?» Le capitaine de Gaulle lui réplique aussitôt « Je vous ai compris. » Dans la chambrée qui lui est affectée, il y a déjà 5 autres officiers qui le dévisagent, la clope au bec. Parmi eux, un commandant, un journaliste, un aviateur, un futur général 5 étoiles, Georges Catroux, et pas moins que le futur maréchal soviétique Tukhachevski, qui sera surnommé le Napoléon Rouge avant que Staline ne lui réserve un triste sort. L'aviateur Louis de Meseurac vient à la rencontre de De Gaulle. J'ai été descendu au-dessus de Ludwigshafen au cours d'un raid en 1915. C'est moi le plus titré du club. Le club ? L'Escaping Club, bien sûr. J'ai 7 tentatives d'évasion au compteur. Alors, es-tu des nôtres, camarade ? Je vous prierai de ne pas me tutoyer, pour commencer. Pardon, votre Altesse, êtes-vous des nôtres ? Voulez-vous entrer dans notre escaping club ? Bien entendu que j'en suis. Et plutôt deux fois qu'une. S'évader, n'est-ce pas le seul devoir du prisonnier ? C'est un devoir, mais ce n'est pas un droit. À chaque tentative ratée, on écope de 60 jours de mitard. Autant dire qu'il vaut mieux bien préparer son coup. Justement. Dites-moi donc, quelle est la situation ici ? Pas fameuse. Les murs sont très épais. Il ne faut pas songer à creuser quoi que ce soit. Et il y a les douves. Un tunnel est impossible. Les gardiens sont des soldats âgés, mais ils sont placés au point stratégique. Et ils ont l'œil. En un mot, c'est quasiment impossible de sortir d'ici. Bien. Selon ce que vous venez de m'apprendre, je ne vois qu'une seule solution. Sortir par la porte. Par la porte? Mais comment? Puisque s'évader du fort est si difficile, il faut d'abord en sortir pour ensuite fausser compagnie aux Allemands. En sortir? Tu en as de bonnes, toi. Comment dites-vous? Vous en avez de bonnes, vous? Voici mon plan. J'ai remarqué qu'il n'y avait ici qu'un poste d'infirmerie. Ce qui signifie que les malades et les blessés sont conduits hors du fort pour y être soignés. Tout à fait, l'hôpital est situé dans la ville d'Ingolstadt. Eh bien voilà, je m'y fais envoyer et hop, je m'enfuis. Ce sera certainement plus facile de sortir d'un hôpital que de s'évader d'une forteresse. Pour être hospitalisé, le capitaine de Gaulle a choisi de simuler une maladie. Il se procure de l'acide picrique qu'il ingère, ce qui lui donne tous les symptômes de la jaunisse. Le médecin du fort l'évacue alors sur l'hôpital d'Ingolstadt. Mais la partie n'est pas encore gagnée pour Charles de Gaulle, car il est soigné dans une partie de l'hôpital gardée nuit et jour par des sentinelles. Dans sa chambre, il a pour voisin de lit le capitaine Lucien Dupré, qui est lui aussi un faux malade, atteint d'une infection de l'oreille qu'il s'est lui-même provoquée. Ensemble, ils échafaudent un plan d'évasion. Nous sommes coincés. La seule possibilité de leur glisser entre les pattes est de passer par la porte qui communique avec l'hôpital civil. Mais comment faire avec la sentinelle qui en garde l'accès? Je vois. Il nous faut des vêtements civils, sans quoi nous ne pourrons rien tenter. Il y a peut-être un moyen de s'en procurer. Ah oui? À cause du blocus maritime, les Boches crèvent de faim. Avec une tablette de chocolat, on peut obtenir bien des choses, figurez-vous. Tenez, voici l'homme de service qui nettoie le couloir. Appelons-le. Hé, hey, mon ami! Que puis-je pour vous? Est-ce vrai que vous connaissez de tristes pénuries alimentaires? Si c'est vrai, il n'y a plus de beurre, plus de lait. La viande est inabordable. Il faut faire des heures de queue pour acheter un morceau de pain grand comme le poing. Mon ami, nous pourrions peut-être vous faire profiter des colis que nos familles nous expédient. C'est bien vrai? Regardez dans ce carton. J'ai du cognac, du saucisson, du chocolat, des bocaux de viande en sauce. Je peux tout vous donner. My God! Vous ne plaisantez pas? Vous pouvez me donner tout cela? À une condition toutefois. Que vous nous trouviez à tous les deux un pantalon et une veste de civil. Mais pourquoi faire? Les prisonniers n'ont pas le droit de s'habiller en civil. Ne vous posez pas toutes ces questions et prenez plutôt ce saucisson comme à compte. Et revenez donc demain avec ce que nous vous avons demandé. Le lendemain, le 6 novembre 1916, l'homme de service revient avec les vestes et les pantalons demandés. Mais quand il s'empare du colis, de Gaulle le retient. Un instant, monsieur. Nous avons besoin également de votre blouse blanche. Ah non, je ne vais pas tremper dans vos combines. Débrouillez-vous. Dans ce cas, vous expliquerez à vos supérieurs pourquoi vous avez apporté des effets civils à des prisonniers. Garde! Arrêtez, arrêtez! Garde! Vous allez ameuter tout l'hôpital! Garde! Garde! Mettez-vous, bon sang! Vous voulez donc m'attirer des ennuis? C'est entendu. Voilà ma blouse. Mais je ne veux plus entendre parler de vous. Les deux prisonniers s'habillent avec les vêtements apportés par l'Allemand et Dupré revêt la blouse blanche pour se faire passer pour un infirmier. Tenant de Gaulle par le bras, comme s'il s'agissait d'un soignant conduisant un malade dans un autre service, ils marchent tous deux d'un pas déterminé vers la porte de l'hôpital civil où la sentinelle leur jette à peine un regard. Dupré retire ensuite sa blouse et ils sortent par la porte des visiteurs, le plus calmement du monde. L'alerte n'est donnée que le soir, quand on constate leur absence. Ils sont déjà loin. Mais entre Ingolstadt et la frontière suisse, il y a 300 kilomètres à parcourir. Et dans un pays en guerre, parsemé de points de contrôle, c'est loin d'être simple. Les deux hommes ont résolu de se cacher le jour et de marcher la nuit. Au bout de 7 jours de cavale, et alors qu'ils n'ont plus que la moitié de la distance à parcourir pour recouvrer la liberté, ils font l'erreur de traverser le village de Mindelheim. Il est environ 9h30 du soir, il fait nuit, mais ces deux individus pressés, sales, mal rasés, sont vite remarqués. Les villageois veulent les arrêter. Ils s'enfuient. Le garde champêtre les rejoint, aidé de soldats en permission. De Gaulle et Dupré sont menottés et reconduits à Ingolstadt. Le capitaine de Gaulle change alors radicalement de stratégie. En se tenant tranquille pendant plus de 4 mois, il pourra demander à quitter la forteresse d'Ingolstadt et à être affecté à un autre camp où la discipline est plus légère. De Gaulle devient donc un prisonnier modèle dans le but de s'évader plus facilement. Son plan fonctionne. En juillet 1917, il est transféré au château de Rosenberg, toujours en Bavière, juste au-dessus de la ville de Kronach. Il y avait de quoi déchanter. Le château de Rosenberg ne se prêtait pas aux escapades. 2 murs d'enceinte, 2 remparts, 2 fossés. Avec 3 autres camarades, il nous a fallu un peu de temps pour mettre au point notre plan. Plutôt que des évasions individuelles, nous avons opté pour une fuite collective. Nous avons déchiré nos draps respectifs pour en faire des cordes, et le 15 octobre 1917, au cours d'une nuit orageuse et sous la pluie battante qui nous assurait que les gardes ne seraient pas à leur poste, nous nous sommes fait la malle. C'est là ma plus grande cavale. Nous avons marché droit sur la Suisse. Mais 500 kilomètres, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Au 10e jour, nous avons été repris. Nous étions cachés dans un pigeonnier en plein champ, attendant la nuit pour marcher, mais il a fallu qu'un paysan nous entende et prévienne la maréchaussée. Et voilà, retour à Rosenberg. Je ne me suis pas résigné. Quelques jours plus tard, en novembre 1917, je tente le tout pour le tout. Avec le lieutenant Tristani, affublé de vêtements civils, de lunettes et de fausses moustaches, nous nous sommes glissés dans le groupe du personnel civil du château qui sort du camp à heure fixe le soir. Les gardiens n'y ont vu que du feu. C'est après que les choses se sont compliquées. Pas question de marcher des jours et des nuits en direction de la Suisse. De Gaulle en a soupé d'être sale, transi de froid et d'avoir le ventre vide. Il propose donc au lieutenant Tristani de prendre le train pour gagner une ville proche de la frontière hollandaise, frontière que les deux larrons franchiront nuitamment. Tristani s'inquiète, car son accent français est si fort qu'il est persuadé que le guichetier s'en apercevra. Mais de Gaulle conseille de s'en tenir au strict minimum de parole. Guten Tag. 2 Bierten für Gronau Westfalen, bitte. Je sais ce que vous pensez. Mon allemand n'est pas formidable. Et pourtant, j'ai eu le temps de le peaufiner en 20 mois de détention. Enfin, ce n'est pas cela qui nous a desservi, de toute façon. De Gaulle et le lieutenant Tristani ne vont pas très loin. À peine ont-ils réglé leurs billets et franchi le quai de la gare, que des policiers se dirigent vers eux et leur demandent leurs papiers. Voici le récit de leur arrestation, retrouvé dans les archives judiciaires allemandes. Le 19 novembre 1917, les nommés De Gaulle et Tristani se sont rendus coupables d'évasion du château de Rosenberg. Ils ont été arrêtés en gare de Lichtenfels. Les policiers, prévenus de la fuite de 2 prisonniers, ont repéré 2 hommes voyageant sans bagages et dont les regards leur paraissaient fuyants. Incapables de présenter leurs papiers, ils ont été démasqués. Au moment de leur arrestation, un soldat a voulu tenir le bras du dénommé Charles de Gaulle. Celui-ci s'est dégagé vivement en criant « Bas les pattes, espèce de cochon !» Il s'est ainsi rendu coupable d'insultes envers un soldat de Sa Majesté impériale Guillaume II. C'est pourquoi le dénommé de Gaulle est condamné à une peine de 14 jours de prison en plus des 60 jours d'arrêt pour tentative d'évasion. Des insultes, un bien grand mot. J'ai simplement rappelé ce rustaud au sentiment des distances. Je suis capitaine et il est soldat. Il n'avait pas à porter la main sur moi. Un peu de discipline, que diable. Enfermé, déprimé, le capitaine de Gaulle commence à douter, à se dire que jamais il ne parviendra à rejoindre la France et à reprendre le combat. Transféré en mai 1918 à la forteresse de Wülzburg, dans les environs de Nuremberg, il broie du noir. Mais dès que l'occasion se présente, il tente à nouveau sa chance. Le 10 juin 1918, il commet un coup d'une surprenante audace. J'ai voulu rééditer ce qui avait marché avec Dupré à l'hôpital d'Ingolstadt. Il n'y a rien de mieux que de sortir par la grande porte et rien de plus jouissif que de se la faire ouvrir par ceux-là même qui doivent vous surveiller. Ah oui, nous en avons bien ri. Voilà comment cela s'est passé. C'était avec le lieutenant Meyer qui parlait parfaitement l'allemand. Grâce à la complicité de camarades qui ont occupé une sentinelle, nous nous sommes introduits dans l'atelier du tailleur et nous nous sommes emparés d'un uniforme de sous-officier allemand. Le lieutenant Meyer l'a revêtu et m'a conduit jusqu'à la porte comme un prisonnier transféré vers un autre camp. Pour plus de crédibilité, je m'étais muni d'une valise avec mes effets personnels. Meyer ordonna d'ouvrir la porte et comme il était sous-officier, les soldats se sont empressés d'obéir sans rien demander. Il faut juste du culot, de l'assurance. Ah oui, nous avons bien ri. L'ennui, c'est que cela n'a pas duré. Et dès le lendemain, nous avons été arrêtés sur la route de Nuremberg et reconduits à Wülzburg. Chou blanc, encore une fois. Ils vous ont repris? Eh oui, la chance nous a fait défaut. Ce sera pour une autre fois, j'espère. Vous savez, la surveillance a été renforcée. Les sentinelles sont plus attentives que jamais. Réfléchissons. Si l'on ne veut pas se rompre le cou sur les remparts, comment sortir de cette forteresse? Rien à faire, je vous dis. Il n'y a guère que les Maccabées qui sortent d'ici. Ou alors, le panier à linge. Le linge sale? Oui. Toutes les semaines, le linge sale est envoyé au village dans une malle en osier. Une malle en osier? Mais c'est merveilleux. Il n'y a qu'à nous dissimuler à l'intérieur. N'y pensez pas, mon cher. Un soldat allemand vérifie le contenu, puis place un cadenas sur la malle. Je ne vois pas comment vous pourriez tromper sa vigilance. J'ai ma petite idée, figurez-vous. Eh oui, ce n'est peut-être pas très glorieux pour un officier français de se cacher dans un panier de linge sale, mais après tout, j'ai de glorieux devanciers. Le chancelier autrichien Metternich ne s'est-il pas enfui de Vienne en révolution, dissimulé dans une voiture de blanchisseuse? La France vaut bien quelques vieilles hardes puantes. Le 8 juillet 1918, en effet, je me suis glissé dans le local où la malle d'osier était entreposée, juste après le départ du garde qui l'avait fouillé et y avait apposé un cadenas. J'ai scié les charnières à l'arrière et je n'ai surtout pas touché au cadenas. Ainsi, les Allemands m'ont emporté sans se douter de rien. Ils ont peut-être dû trouver que la malle était plus lourde que d'habitude. En attendant, quel inconfort! 1m92, cela ne se plie pas facilement. Le coup a marché. Au début, du moins. Je me suis enfui très vite, j'ai gagné Nuremberg à pied et j'ai pris le premier train venu. Il partait pour Francfort, je crois. Mais la malchance s'en est mêlée. Un contrôle d'identité a eu lieu dans le wagon. J'ai été démasqué et reconduit à la prison. C'était ma dernière tentative. Il n'y en aurait plus d'autres. Ma chère mère, je ne suis plus qu'un enterré vivant. Je ne crois plus avoir d'avenir dans l'armée. Quel avancement pourrait être le mien après tant de temps perdu en captivité. Un chagrin qui ne se terminera qu'avec ma vie et dont je ne pense pas devoir rencontrer jamais d'aussi profond ni d'aussi amer m'étreint en ce moment. Être inutile aussi totalement que je le suis dans les heures que nous traversons, quand on est de toutes pièces construit pour agir, c'est la situation la plus cruelle que l'on puisse imaginer. Excusez-moi, chère mère, de montrer cette faiblesse de me plaindre. Elle aussi est parfaitement inutile, n'est-ce pas? 5 fois évadé et 5 fois repris. Quelle tristesse! Et le plus dur, c'est que j'ai loupé la bonne occasion. Mes 4 camarades de chambrée, eux, ont réussi leur coup. Allons, de Gaulle, ne désespérez pas. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec nous. Avec vous? Oui, nous allons tenter une évasion collective. Un coup d'une sacrée audace. Ah oui? Et par où allez-vous passer? Nous allons descendre les remparts au moyen de cette corde de drap tressée. Allons, les remparts sont beaucoup trop élevés. Vous n'y arriverez pas. Si. Nous y arriverons, car nous allons descendre le rempart à l'endroit où il est le moins haut, c'est-à-dire par la fenêtre du commandant de la forteresse. Les appartements du commandant? Rien que ça. Mais alors là, j'ai trouvé encore plus fou que moi. Tous les jours, à heure fixe, le commandant se rend au village avec l'intendant pour des raisons administratives. Nous profiterons de son absence pour crocheter sa porte et le tour sera joué. Je vous souhaite bien du courage. Moi, je n'y crois pas. Alors tant pis. Adieu, de Gaulle. Je dirais plutôt à tout à l'heure. Et ils ont réussi. C'était bien ma veine. Pourquoi n'ai-je pas voulu en faire partie? Peut-être que je n'y croyais plus. Oui? Je viens pour l'appel du soir. Mais où sont-vous? Allez, faites votre appel et cessez de m'ennuyer. Herr Hauptmann Bria Savarin. Partez. Herr Hauptmann de Montetti. Partez. Herr Oberleutnant Plessy. Partez. Herr Leutnant Paternostre. Partez. Herr Hauptmann de Gaulle. Présent. Et voilà. 1000 jours de captivité. 1000 jours d'inutilité alors que mon pays jouait son destin à pile ou face. Mais à la fin, on sentait bien que les jeux étaient faits. Les Allemands crevaient de faim. Leurs journaux puaient l'angoisse, maquillant la retraite de leur armée derrière des communiqués tonitruants qui sentaient le mensonge à plein nez. On lisait le découragement jusque sur le visage des soldats qui nous gardaient. Nous, avec nos colis, nous étions bien nourris et nous nous délections de la discorde qui grondait chez l'ennemi depuis qu'il était hanté par le spectre de la défaite. Un jour, on entendit une rumeur venir du village en contrebas. Puis les soldats tirèrent des coups de feu en l'air. C'était le 9 novembre 1918. Le Kaiser avait abdiqué, la République était proclamée. 2 jours plus tard, l'armistice était signé. Je sortis alors de la forteresse de Wülzburg par la grande porte. Et j'ignorais qu'un jour, une rue du village porterait mon nom. Je revins en France, via la frontière suisse, que je n'avais pas réussi à franchir pendant mes cavales. Je n'y revenais pas en vainqueur, car au fond, cette guerre, je l'ai perdue. J'ai échoué. Je suis un vaincu. Il se pense vaincu, Charles de Gaulle, mais il se trompe. Car durant cette longue captivité, il parfait sa formation intellectuelle. Littérature, économie, histoire, philosophie. Il lit beaucoup, énormément, et il a le temps de réfléchir. Dans une lettre, il écrit que le regret de n'avoir pas pris une meilleure part à la guerre le poursuivra toujours, mais que ce regret lui servira aussi d'aiguillon pour penser et agir mieux. Et pour penser mieux, il n'hésite pas à penser seul, en iconoclaste, à se heurter à sa caste. Sans aucun respect pour le haut commandement, il critique la stratégie de l'état-major, ses offensives à répétition de 1915, ses massacres aussi inutiles que meurtriers, et attribue la cause des mutineries de 1917 à l'irresponsabilité des chefs qui ont trop méprisé la vie des hommes. Il se paye même le luxe de traiter le maréchal Foch, devant lequel tous les militaires se prosternent, de gesticulateur. En novembre 1918, Charles de Gaulle provoque le scandale en lançant au beau milieu des réjouissances que la paix n'est qu'une mauvaise couverture jetée sur des ambitions non satisfaites, sur des haines plus vivaces que jamais. Il prédit que l'Allemagne ne voudra jamais payer de réparations et que, dès que le sang aura séché, les peuples se précipiteront à nouveau les uns sur les autres, résolus à se détruire. Oui, le général rebelle de 1940 perce bien déjà sous le capitaine de 1918. C'était Charles de Gaulle, prisonnier des Allemands, de Jean-Yves Le Naour, avec, dans l'ordre d'apparition, Gabriel Dufay, Charles de Gaulle, Bernard Gabet, le capitaine relevé, Vincent Grasse, l'officier, David Gouillet, Louis de Mézerac, Xavier Xapla, Lucien Dupré, Wolfgang Pissors, l'infirmier allemand, Mathias Simon, l'officier prisonnier, et Jochen Egele, le soldat allemand. Bruitage, François-Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Éric Bouesset et Mathieu Leroux. Assistant à la réalisation, Vivian Demeyer. Réalisation, Cédric Ossir. Dans quelques instants, vous retrouvez Jean-Yves Le Naour et Claude Plumaille à propos de cet épisode décisif de la vie de Charles de Gaulle. Autant n'importe l'histoire sur France Inter jusqu'à 22h. Avec mes invités, l'historien Jean-Yves Le Naour et le dessinateur Claude Plumaille. Donc Jean-Yves Le Naour, vous avez écrit, on l'a dit, le scénario d'une BD que vous avez dessiné, Claude Plumaille, mais vous avez écrit donc pour nous aussi cette fiction qu'on vient d'entendre. Ça vous a amusé ? Oui, c'est amusant, mais surtout très étrange, parce que le texte joué par des acteurs et mis en scène, ne nous appartient plus. Ouais. Et donc c'est un sentiment très très ambigu. Mais j'ai aussi eu ce sentiment à la lecture de la bande dessinée, parce que quand on écrit une bande dessinée, on se fait un petit peu son film, on a des images. Ben oui. Et puis évidemment, le réalisateur, le dessinateur, donc arrive, et puis lui aussi, il se fait son film en lisant le scénario. Et donc les dessins ne correspondent pas toujours effectivement à ce qu'on a imaginé. Absolument. Oui, c'est ça. De toute manière, c'est l'interprétation du dessinateur. Malgré tout, en restant fidèle au scénario de Jean-Yves, parce que c'est très important. Mais il y a des choses que des fois, quelquefois, un scénariste écrit et que pour le dessiner, c'est pas toujours possible ou évident. Donc, on a sa propre interprétation, on a sa mise en scène qui évidemment s'élabore au cours de la lecture. Et donc ça donne un résultat qui, je l'espère, satisfait complètement le scénariste, mais quelquefois, il y a des petites choses qui sont un petit peu différentes, un tout petit peu. Vous êtes bien amusé quand même à l'écrire aussi, Jean-Yves Le Naour, cette histoire. Hein. On entend des petits clins d'œil, évidemment le général allemand qui demande à De Gaulle, alors vous m'avez compris, et qui lui répond, je vous ai compris. On sent que vous êtes bien amusé à écrire ça. Alors, je crois que les auditeurs me pardonneront ces petites facéties. Alors ben non, c'est ça qui est drôle, justement. Ouais, vous avez raison, c'est des jolis clins d'œil. C'est fou quand même cette histoire qu'on vient d'entendre, donc cet homme emprisonné. Qui vit cet épisode comme une défaite, mais qui va se révéler au contraire une chance pour lui. Vous dites, Jean-Yves Le Naour, que c'est grâce à ces années de captivité en Allemagne, à ces 5 évasions ratées, que De Gaulle est devenu De Gaulle. Alors oui, on est un petit peu dans le champ des hypothèses, mais c'est vrai que en 1914, c'est un officier comme les autres qui pense exactement la même chose. Un Saint-Cyrien classique. Tout à fait classique. Et quand il revient de la captivité, il n'est plus le même. Il pensait même à un moment donné arrêter la carrière des armes puisque il avait vu ses collègues, j'ai envie de dire, qui avaient pris du galon avec la guerre, alors que lui, il était resté capitaine, donc il se pensait sans avenir. Et pendant cette captivité, il a eu du temps, bien sûr, on l'a vu, avec il a employé son temps à s'évader, mais quand il était repris, il se faisait quand même 60 jours de déjà d'arrêt. Ces évasions quand même, elles sont assez extraordinaires, même si elles sont ratées. Je veux dire, c'est quand même on voit quelqu'un d'une grande détermination. On voit déjà le De Gaulle là quand même. Bon, après il y a le fait qu'il ait réfléchi, etc. Mais déjà, ces évasions, c'est quand même le. Alors nous, on le voit comme ça. Nous, on voit comme un homme déterminé, un homme qui se résigne pas, un homme qui ne se soumet pas. Il a peine revenu de. Il est revenu et aussitôt il échafaud d'une nouvelle tentative d'évasion. Et voilà, un homme qui veut regagner sa patrie pour continuer à se battre parce que c'est le temps où se joue le destin du pays. Mais nous, on le voit comme ça, effectivement. Mais lui, il ne se voit pas comme ça. Il se voit effectivement comme on l'a dit, comme un vaincu, comme quelqu'un de déshonoré, puisque il n'a pas réussi à regagner la France et à se battre. Il a été inutile au moment crucial pour la patrie. Donc lui, il se voit comme déshonoré, alors que nous, on le voit dans toutes ses tentatives ratées, mais toutes ses tentatives comme l'homme qui ne se soumet pas. C'était étonnant aussi cet escaping club là, ce groupe donc d'officiers qui se retrouvent donc dans cette forteresse allemande. Il y a quand même des gens, c'est pas n'importe qui, hein, avec qui ils se retrouvent donc dans ce groupe d'officiers. Il y a le futur général Catroux qui sera déterminant en 1940. Il y a Rémy Roure qui sera un grand journaliste. Il y a également Berger-Levrault, éditeur. Et puis un général soviétique, Tukhachevski. Et ce qui est étonnant, c'est que De Gaulle et Tukhachevski vont se retrouver, mais face à face en Pologne. En 1920-21, puisque... Quand l'armée soviétique envahira la Pologne. C'est ça, en 1921, on va se battre sous les murs de Varsovie. L'armée rouge a progressé jusqu'à Varsovie. Et si l'armée polonaise est battue, alors là, l'armée rouge arrive en Allemagne. Et l'Allemagne, entre 1919 et 1921, c'est un pays qui est en ébullition. Donc, c'est tout l'équilibre européen qui risque d'être mis en cause. On envoie donc un corps expéditionnaire français pour former, avec des armes, pour former l'armée polonaise. Et De Gaulle se retrouve face à son ancien ami de captivité, Tukhachevski, qui est le chef du camp d'en face. Ils vont se parler ? Ah, ben non, ils vont s'envoyer des obus. D'accord. Donc, vous le disiez, donc, cette période aussi de captivité, il l'utilise, enfin, il ne perd pas son temps pour lire, pour écrire, pour penser. Et là, il va devenir un être libre, enfin, iconoclaste. Il va commencer à réfléchir à la stratégie militaire. Oui, vous l'avez dit, le mot iconoclaste, je crois, convient bien, le mot rebelle également. Il le dit à la fin de la guerre, l'armée française, la France, c'est une épée, et son épée est bien forgée. Mais la poignée est fragile, la poignée est mauvaise. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ben, les soldats, les Français, bon, voilà, sont de bons soldats, il y a une bonne armée, mais il y a de mauvais chefs. Et quand on dit ça en 1918, en 1919, alors que la France a gagné la guerre, alors qu'on est tous confiés en dévotion devant Foch, c'est absolument incroyable. Mais il le dit comment ? Il le dit publiquement ? Il le dit dans des réunions d'état-major, je ne sais pas. Comment il le dit ? Alors, il le dit dans ses lettres, il le dit en privé, mais il le dit aussi face aux officiers. Il est très mal noté, De Gaulle. Et c'est d'ailleurs son amitié avec Pétain, qui lui-même était un mouton noir avant 1914. Lui, il pariait sur la défensive, quand à l'époque, tout l'état-major pariait sur l'offensive. C'est donc l'intervention de Pétain qui a fait qu'on a remonté ses notes dans les années 20. Parce qu'il c'était un officier qui était saqué. Parce que dans l'armée, on n'aime pas celui qui dépasse d'une tête, en quelque sorte, ou qui ne marche pas au pas. On va pas dire que tout le De Gaulle de 1940 est déjà là. Mais néanmoins, par exemple, en 1921, en Pologne, il écrit qu'il faut concentrer les chars. Alors que la stratégie de l'armée française, la tactique plutôt, c'est de les dispatcher, de les diviser dans tous les régiments. Donc dès 1921, par exemple, il écrit quelque chose qui va à l'encontre complètement de ce que l'on apprend à l'école de guerre. Ce qui est fou, c'est que cet homme, donc, il a été élevé dans le culte de la patrie, il a été élevé dans le culte de la France, de l'honneur, etc. Mais en même temps, il sait désobéir quand il le faut. Oui. Il sait désobéir. Et donc là, on commence à se poser cette question. Est-ce que De Gaulle est un militaire ou est-ce que De Gaulle n'est pas un politique avant tout ? Ouais. Parce qu'on s'aperçoit qu'il a toujours été en conflit, finalement, avec l'état-major et avec l'armée. On le voit bien au sortir de la Grande Guerre, on le voit quand il écrira vers l'armée de métier en 1934, il se fera tirer dessus à boulet rouge, on le voit en 1940, on le voit également quand il demande la sortie de l'OTAN en 1966, contre l'avis de l'armée. Les militaires qui l'ont rappelé en 1958 avec c'est pas t'as fait un coup d'État ni un putsch, mais c'est un coup de force, le 13 mai 1958 en Algérie, c'est quand même l'armée qui se soulève contre le gouvernement républicain. rien. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il rappelle Salon, il met l'armée au pas. Il a toujours eu l'armée contre lui. C'est plus un politique qu'un militaire. Il est là où on l'attend pas, un peu. Oui, puis il voit loin. Et le traité de Versailles, donc, il a aussi, il voit loin, parce que, donc, on est en 1918, il critique les conditions de la paix, et d'une certaine manière, sans le savoir, il annonce l'arrivée de Hitler, de la Seconde Guerre mondiale, quand il dit que les peuples vont de nouveau se lancer les uns contre les autres et que l'Allemagne ne paiera pas les réparations. Alors, il n'est pas tout à fait le seul. Quelqu'un, par exemple, comme Keynes, l'économiste britannique, dit à peu près la même chose. En fait, il fait partie de cette petite minorité qui considère que le traité de paix a été très mal conduit. Sans doute, De Gaulle voulait qu'il soit plus dur, certainement. D'autres pensaient qu'il voulait qu'il soit plus doux. Mais finalement, à l'issue de la paix de Versailles, eh bien, tout le monde est un petit peu mécontent. Et Clémenceau, qui était surnommé le Père la Victoire en 1918, eh bien, est surnommé Père la Victoire en 1919. Après le traité de Versailles, mais là, cette fois-ci, on l'écrit PERD. Et De Gaulle, il fait partie de ces critiques qui pensent qu'effectivement, que, c'est une mauvaise paix et que donc, à partir de ce moment-là, les choses ne sont pas réglées. Et après 1945, il parlera d'une guerre de 30 ans qui a commencé en 1914 et qui a fini par se régler avec, entre la France, un conflit franco-allemand finalement, qui s'est réglé définitivement en 1945. Et après, on pouvait passer à la réconciliation. Oui, réconciliation franco-allemande, il n'y croit pas. Enfin, en tout cas, c'est une réplique. En 1418, il n'y croit absolument pas. Non, non. C'est dans une lettre, je ne sais plus, à sa mère, où vraiment, jamais nous réconcilierons avec cette race immonde, etc. Ouais, et c'est lui qui sera un des acteurs de la réconciliation, donc avec Eisenhower, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Claude Plumaille, donc, ce n'est pas la première BD que vous avez réalisée ensemble avec Jean-Yves Naour. Je crois que vous avez publié Les Taxis de la Marne, c'est ça? Absolument, Les Taxis de la Marne, oui, oui. Bah, c'était il y a un an, oui, oui. Donc, on traite déjà un petit peu, enfin bon, je dirais pas de Charles de Gaulle, bien sûr, mais de la Première Guerre mondiale. Et donc, finalement, avec Charles de Gaulle, on continue, on est un peu dans cette continuité-là de l'histoire, finalement. Et pourquoi cet intérêt pour la BD historique? Ça marche bien? Il y a un public pour ça? Alors oui, il y a un public, il y avait surtout les commémorations de la Première Guerre mondiale. Et puis finalement, moi, c'est un sujet qui m'intéressait parce que, je dis, pas pour la Première Guerre mondiale, mais pour Charles de Gaulle. Mon père m'en avait beaucoup parlé. De Gaulle. Oui, il l'appelait déjà le Grand Charles à l'époque. Et je me souviens qu'il avait toujours des récits. Du coup, quand on m'en a parlé, quand on m'a proposé ça chez aux éditions Bombou, ben, ça tout de suite, ça m'a parlé et j'ai tout de suite eu envie de le faire. Et comme j'avais fait Les Taxis de la Marne avant avec Jean-Yves aussi, bon, ça a été une continuité. D'ailleurs, même pour Les Taxis de la Marne, ça m'avait beaucoup plu parce que finalement, j'apprenais beaucoup de choses que je n'avais pas apprises à l'école parce qu'on survole effectivement l'histoire avec un noir, quoi. Oui. De Gaulle, un grand personnage historique, un personnage attachant aussi, on le découvre, et puis drôle aussi. Alors un personnage attachant, mais pas toujours sympathique. Non, pas forcément. Parce que le héros n'est pas forcément sympathique. Donc effectivement, on le découvre hautain. Il ne veut pas se faire tutoyer. Non, non. Il y a le sentiment des distances. Vous voyez qu'un soldat ait pu mettre la main sur lui, c'est inconcevable. Ensuite, on n'a pas parlé, mais quand il revient en France après le 11 novembre 18, il refuse de voyager en troisième classe. Ouais. Il doit voyager en première classe. Or, il n'y a pas de place en première classe, mais non, il exige. Oui, paradoxalement, on s'aperçoit quand même qu'il arrivait à fédérer tout de suite. C'est-à-dire que quand il arrivait quelque part, et notamment avec l'Escaping Club, par exemple, il a tout de suite son aura, ou je sais pas, sa personnalité. Voilà, c'est ça qui faisait que tout le monde... il l'appelait le connétable. Hein, donc, et donc finalement, il arrivait quand même à fédérer les esprits autour de lui. Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour et Claude Plumaille. Donc votre BD Charles de Gaulle, 1916-1921, Le Prisonnier. Bon, on n'en a pas parlé, hein, on découvre aussi l'histoire d'amour de De Gaulle, De Gaulle amoureux avec Yvonne. Bon, tout cela est édité donc dans la collection Grand Angle chez Bambou. Autant on emporte l'histoire est terminé pour aujourd'hui. L'émission est bien sûr réécoutable, podcastable sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Soro Solo pour l'Afrique en solo. La semaine prochaine, je vous proposerai une autre fiction, Exilée, qui nous amènera à Londres en 1876 autour de Charlotte Street et de Soho Square, le quartier où se concentraient alors les anciens combattants de la Commune de 1871, contraints à l'exil après la Semaine sanglante. L'histoire singulière de Charles, jeune Français de 15 ans, fils de communard, qui va découvrir malgré lui l'existence d'un mouchard au sein de la communauté des exilés. Drame politique, trahison, exil, découverte de l'amour. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro d'Autant en emporte l'histoire. À dimanche donc, 21h. Très bonne soirée à tous.